matinale de 18h, l'émission décalée de Fadjet. Bonjour à tous, bonjour à tous, il faut baisser un peu la musique au début. Soyez la bienvenue dans la matinale de 18h, on va passer une heure ensemble à bavarder autour de l'actualité. Excuse-moi, et même plus loin. Oui, il n'y a qu'une seule auditrice. J'ai dit soyez la bienvenue. Soyez les bienvenus, peut-être. Ah, d'accord, ok. D'accord, mais, non, mais parce que. Ouais, non, mais d'accord. Okay. Ah, oh, d'accord, il y a une fille. Il a eu des infos, comme vous savez. Comme vous l'entendez, le patron est revenu et il m'a déjà tensé dès le début. C'est Tristan qui fait son retour. Salut Tristan. Ouais, salut. Enfin, je reviens, mais on m'a piqué ma place. Ouais, ah, bah écoute, le maître danseur. Qui va, et quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et je peux te dire qu'on a dansé. Hein. Oh, c'est vrai. Il y avait beaucoup de zouk, beaucoup alors de zumba. Il va falloir que je podcaste. Ouais, ouais. Et mais donc du coup, qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? Tu sais que t'as beaucoup menté aux auditeurs. Hein. On a eu beaucoup de lettres, beaucoup de. Ouais, ouais. L'audimat a été divisé par deux. Non. Mais incroyable. J'irai demander à Yves quand même. Ouais, ouais. Non, j'étais à Madrid. Après, j'étais à Budapest. Là, je suis en train de regarder pour aller à Alger. C'est donc je suis pris quoi, tu vois. Bah, tout globetrotter. Tout ça pour du one man show ou? Ouais, non. non, même pas. Non, mais par contre, si je me libère du temps pour écrire mon seul en scène, là, et il faut qu'il soit livré à la fin de l'année. Oh, là, ouais, voilà. C'est pour ça que là, après l'émission, je pars dans un bar de Nancy pour écrire. C'est là tu travailles mieux dans un bar. Ah, ouais. Il me faut du passage, il faut que je vois des gens. Ça t'inspire. Non, mais c'est surtout que ça occupe mon cerveau. Ah, okay. Parce que si je fais ça chez moi, tout seul, ça bouge pas, c'est statique, donc j'ouvre le frigo. Ok, d'accord. Et là, c'est mort. D'accord. Et il n'y a pas d'inspiration dans le frigo, du coup? Non. Non, d'accord. Il y a du kiri. Il n'y a rien du tout. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous avez aussi peut-être connu la voix de Jocelyn, la douce voix de Jocelyn. Oui, bonsoir. Bravo, le public applaudit. Merci, on fait cette émission en direct de l'Olympia. Tous nos auditeurs sont là. Jocelyn, pareil, ça fait longtemps que les auditeurs n'ont pas eu le chance de. Une paire de semaines qu'on ne s'était pas entendu, c'est vrai. Bah oui. Et des nouveautés sur la place de Jocelyn? Pas mal de boulot, ça bosse, ça prépare quelques belles choses, mais on peut pas trop dévoiler encore pour l'instant. Ah d'accord, il y a des gros projets d'envergure qui sont... Des gros projets qui arrivent soon, si je puis me permettre. Ça sent la tireuse à bière. Ça sent bon. Il y aura aussi un éphéméride que tu es en train de préparer. J'ai été pris de court, mais on va le finir tout tranquillement tout à l'heure. Et enfin, pour compléter notre boys band, il y a Max qui est là. Wow ! Ouais. Quel engouement. Il n'y aura pas de voix féminine pour vos oreilles aujourd'hui, mais il y a Max qui revient à nouveau. Ouais. J'ai l'impression que c'est moi qui ai piqué la place de Tristan pendant quelques semaines. C'est vrai. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y a une légère tension entre vous, je sens quand même. Mais tu l'as fait combien de fois? Deux fois? Trois fois. C'est la troisième fois. C'est sa quatrième aujourd'hui. J'ai fait trois fois avant. Alors, ah ouais, il y en a une qui a été enregistrée pour de faux. Parce qu'on enregistre des émissions quand il n'y a pas émission. Donc, je suis pas venu. J'ai fait un direct aussi. Ah ouais? Mais attends, t'as tout fait. Mais il a tout fait, bien sûr. Enfin, qu'on rajoute dans l'équipe alors. Mais oui, il va bientôt être titularisé celui-ci. Parce qu'un CDD qu'on reconduit trois ou quatre fois à un moment donné. C'est un extra là. On va changer la photo de Facebook du coup. Il y a trop de têtes à rajouter. Bon. Il faudra aussi Alban. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, si vous êtes un amateur de cette émission et si vous ne la ratez jamais, déjà de vous présenter parce qu'on a envie de vous rencontrer. Et ensuite, de nous suivre sur les réseaux sociaux, principalement en fait juste Facebook, parce qu'il n'y a que ça. Carrément. Mais voilà, et n'hésitez pas. Et aujourd'hui, on va parler. Tristan, tu vas nous parler un petit peu tout à l'heure. On aura une petite chronique sur quelque chose qui t'est arrivé. J'ai l'impression. C'est ça. Non, mais on a gros sur la patate. Non, c'est pas même pas ça. C'est vraiment un conseil de vie au quotidien. Conseil de vie, d'accord. Ouais. Bon, lifestyle coach quoi. Lifestyle. L'intérêt de la carte fidélité en supermarché. Ah oui, d'accord. Donc, ne ratez pas, ça sera dans une petite demi-heure. De il y aura vraiment, là, c'est des conseils pour mieux vivre, en fait. Mais voilà, et au quotidien, et arrêtons de nous plaindre. Enfin, je veux dire, certes, il y a l'inflation, certes, il y a des fois des produits qui sont pas frais, mais avec des petites techniques, des petites astuces. On peut lutter contre l'inflation. On gratte la moisissure et c'est bon, le produit est devenu frais. Non, mais même pas jusque-là. N'en disons pas plus. Je pense que l'auditeur est accroché. L'auditeur est vraiment, il est très accroché. Et au cas où il ne le serait pas, sachez qu'il y aura également un horoscope du printemps. Voilà, c'est vrai. Ça bourgeonne. Exactement. Et un petit quiz actu insolite dans cette émission. C'est vrai qu'il a fait beau aujourd'hui. Hein. Mais oui, c'est quasiment le début du printemps. Donc du coup, voilà, on suit un peu l'actualité à la matinale de 18h quand même. Et on va se retrouver avec l'éphéméride de Jocelyn juste après une première écoute, si je vous propose. Allez, on va écouter The Doors avec Spanish Caravan. Ouh. Et on revient avec le magnifique, magnifique éphéméride de Jocelyn. S'il vous plaît. Amen. The Doors avec Spanish Caravan. Je m'attendais à ce qu'il y ait un petit coup de batterie à la fin, mais non. C'est vrai que ça manquait. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fat Jets. L'éphéméride de 18h sur Fat Jets. Nous sommes aujourd'hui un 14 mars, mon cher Jocelyn. En effet. Que nous as-tu préparé un 14 mars ? Bah, moi, ce que j'ai préparé, je relate les faits tout simplement. Le 14 mars, c'est la Saint-Mathilde. D'ailleurs, on souhaite une très bonne fête à toutes les Mathildes. On connaît des Mathildes. Ouais, c'est vrai, on a une dans notre micro. D'impro. Bah oui, mais c'est ce que j'allais y venir. C'est le rebond. Alors, comment va Mathilde ? Ah bah écoute, on l'a pas vu depuis. Moi, je l'ai. Une semaine. Et bon, on pense à lui écrire. Voilà. On pense à lui écrire. Tout le monde la connaît. 10 jours, 10 jours, 10 jours. 10 jours. On verra de temps en temps. Mais j'envoie demain. Eh ben, parfait. Avec James. Écrivez à vos Mathildes si vous connaissez des Mathildes. Ah. Faites-le, c'est très important pour elle. Surtout dans cette Saint-Mathilde. Que s'est-il passé en 1860 qui a raccroché, pardon, rattachement de la Savoie et de Nice à la France Par l'Italie. C'est un traité secret entre la France et la Sardaigne, le 14 mars 1860. Secret, bon, plus trop gardé, puisque je viens de vous le révéler, mais au moins on le sait. Des gens sont morts, des gens sont nés le 14 mars. En 1883, un certain Karl Marx, je ne sais pas si vous connaissez, philosophe, économiste et révolutionnaire allemand, est mort à Londres, malheureusement, paix à son âme. Expatrié, dirait-on. On pourrait dire, comme ça, il est mort loin de ses terres. Un petit peu. Un peu expat, le Karl, quand même. Il est allé dans l'Est. Il y a, pour rester toujours un petit peu un côté un peu britannique, il y a le décès de Stephen Hawking, physicien, théoricien et cosmologiste. En quelle année ça? Ah bah, est-ce récent, que vous vous rappeliez? C'est deux ans. C'est parce c'est que pour moi, c'est récent. Ouais, c'est genre c'est 2018. 2020, moi je dis. 2018, c'est Max qui a raison. Quelques naissances. 6 ans déjà. Et tout de même. On pense à sa famille en tout cas. Oui, de temps en temps. D'accord. 1879, quelqu'un est né, c'est un certain Albert Unpierre. Einstein, exactement. Physicien, théoricien allemand à Ulm. Il y a des pointures aujourd'hui quand même. Je te garantis que j'ai vérifié trois fois mes infos. Sacrée c'est journée ça, 15 mars, alors, 14 Ulm, mars. Il faut savoir que c'est un des plus grands clochers d'Allemagne. Oui, c'est vrai. Ah oui, voilà. Ça a été tellement vérifié. De choses, trop d'infos. Entre Augsbourg et Munich. Qui est né également Albert II de Monaco en 1958, c'est un souverain de Monaco. Quincy Jones en 33, producteur de musique. Michael Caine. Oui, mais il est né. Ils sont nés. Ah d'accord, non, parce que Quincy il est mort il y a pas longtemps. On pense à lui. Encore pas un 14 mars en tout cas. Quincy, tu l'appelles par le prénom? Ouais. Quincy. Ah oui, donc il va boire des cafés avec lui. Tu peux mettre du Quincy Jones d'ailleurs. C'est vrai que ça. Bien sûr, je peux mettre du Quincy Jones. Il y a quelqu'un qui est mort. Ah bah j'ai pas besoin d'en mettre. C'est vrai, tu l'as chanté. Heureusement qu'on paye la SACEM. Quelqu'un est décédé en 2009. C'est un français, oui, compositeur et acteur français. Mais oui, c'est Alain. 2009. C'est Alain. C'est Alain. Alain Bachung. Alain Bachung, effectivement. C'est ça. Et je peux mettre du Alain Bachung. Et aussi. On va en mettre. ça fait partie de la partie de l'émission qui a été préparée. Donc ça, c'est le ça je suis capable. Et pour finir cette belle ribambelle de décès et de naissance, je vais finir par un dicton. Parce que tous les plus beaux sont décédés ou nés. Mort en 14 mars? Non. Non. Mais né. Chèvrefeuille plantée à la Sainte-Mathilde fleurit dès Sainte-Clotilde. Oh la vache. Et c'est quand la Sainte-Clotilde? Eh ben, je me suis pas renseigné sur ça, mais je me suis dit que ça serait intéressant de le faire. Et est-ce que tu t'es renseigné sur le chèvrefeuille par hasard? Oui, chèvrefeuille, petite herbe verte ressemblant à l'ail des ours avec une odeur particulière. Rien à voir avec le chèvre miel. Je sais même pas dire si tu l'as fait vraiment ou pas. Non, là. Je l'ai pas fait. Ok, d'accord. Waouh. C'était vraiment crédible. Et non, ça n'a rien à voir avec le chèvre miel, Max. Ouais. En ouais, effet, non plus. Moi, ça m'a donné faim, pizza chèvre miel. Ah non, c'est vrai. Ah, non, pizza ça, quoi des fois, oula, ça oula, ça va partir en débat. Attends, par contre, on parle pas de la pizza ananas. Là, non, débat. Là, encore. Chèvre miel. Cécile n'aime pas le chèvre miel non plus. T'aimes pas non plus. Mais non. Vous avez aucun goût. On peut pas aimer. C'est quoi ton problème? C'est le chèvre ou le miel? Ça couvre complètement le goût du chèvre, le miel. Quoi? Mais attends, mais tu prends du chèvre qui a pas de goût. Ouais, c'est ça. Un bon petit cabécou, alors. T'sais, en fait, je trouve que un truc sucré, c'est comme, tu vois, les compotés de figues avec du fromage, ça permet d'adoucir. C'est aigre doux. Non, mais pareil, ah. Oui, ça vient d'Italie, de mettre de la d'Italie, de la attendez, confiture sur le fromage. Les Basques l'avaient fait aussi. Ah, non, mais ouais, d'accord. Non, mais parce que ça commence ça, l'Italie. Ça a l'Italie aussi. Oui, le 14 mars, on a inventé. Moi, je me rappelle que les Basques l'avaient fait avant l'Italie. J'ai l'impression de faire mon vieux daron, tu sais. T'aimes pas le chèvre miel, c'est pas être un vieux daron, c'est juste, objectivement, pas avoir les bons goûts. Par contre, j'avais une petite question, t'as dit un truc qui était intéressant, je sais pas si t'as plus d'infos là-dessus, t'avais parlé au début de l'éphéméride, un traité secret entre la France et la Sardaigne, ça m'intéresse si t'as plus d'infos. En 1860, signature d'un traité secret entre la France et la Sardaigne, promettant le rattachement de la Savoie et de Nice à la France, un événement crucial dans l'histoire de l'unification italienne et l'expansion territoriale française. Il y a du Napoléon derrière tout ça. C'est quoi le rapport avec la Savoie et la Sardaigne? Savoie ou bien? La Savoie devait appartenir... Ah oui, ça devait être à l'Italie, et ça a été rattaché, quoi. Après, ils se sont dit, pour un souci d'esthétique, l'Italie, il fallait... Ils ont enlevé la Savoie. Esthétique. Bah, parce que c'était plus beau. C'était, ça faisait moche, la forme de la France. Ça faisait pas la botte, parce qu'il y avait la Savoie en plus, donc ça allait plus. Ouais. Moi, je trouve que si on rajoutait la Wallonie, ça serait plus esthétique. On va en parler aux Italiens. Non, mais en vrai, ça compte aussi, parce que la France, ça fait partie des plus beaux pays en termes de forme, au monde. Alors, ce qui est très moche, c'est la Suisse. C'est vrai. On dirait un nuage, une sorte de fourmilier. Ah oui. À moitié crevé. Une fourmilier mort. L'animal, le fourmilier? Oui. Un pays qui est très joli en termes de forme, c'est la Chine. Espèce c'est de tête vrai. De cerf comme ça, vous voyez un peu ou pas? Non, je l'ai pas. Si, en fait, c'est un espèce. C'est comme une tête de Mickey un peu, la Chine. Oula, mais on n'a pas vu les mêmes têtes de Mickey. Si, je vous invite à regarder vos maps monde chez vous. Aux États-Unis, il y a un état, pour s'en souvenir, je crois, ça te fait la forme d'un wings de poulet. Voilà. Ah ouais, ça va être le Kentucky, je pense. Il y a un délire comme ça. Voilà, c'est vrai que ça ressemble à une tête de cerf. Ah voilà, Jocelyn qui a peut-être des documents. qui montre à l'équipe. Je montre à l'équipe, vous les regardez. Montre aux auditeurs également. Tu vois un peu la Chine, il y a les deux faces, de trois quarts face. Voilà, en fait, moi je trouve que c'est sympa. Ouais. Moi, je serais chinois, j'envahirais pas Taïwan. Parce que là, ça n'a plus rien à terre. Ouais. C'est une île à côté, ça peut être quelque chose qui, par exemple, sort. Parce, un postillon ou un crachat, effectivement. Une mouche, autour des cerfs, des fois, j'imagine que ça peut arriver. C'est vrai. Voilà, si vous aussi vous avez des formes de pays qui vous que vous aimez bien. D'ailleurs, plus tard, ça pourrait être un jeu pour les enfants. Ça, ouais. Tu mets des petites formes de pays que tu dois mettre dans des trous comme ça peut être sympa. Moyen mnémotechnique pour t'en souvenir, un très récent ça. Voilà, oui. Mais après, les pays évoluent bien évidemment. Ouais, les plaques tectoniques, voilà. les frontières ouais, fondent avec l'eau, mais. Bah oui, vous avez donné trois sources, hein, effectivement, la guerre, la nature et la tectonique. Et la Moselle, effectivement. La Moselle, pour se passer. Voilà, est-ce que c'est tout pour ce 14 mars? En tout cas, pour moi, c'est tout. C'était chargé, hein. On et peut dire que là, il y a beaucoup de choses à savoir. Un vrai Negroni. Voilà. Oh oui. C'est monsieur de la culture. Donc du coup, on va revenir après pour un petit horoscope printanier, je vous propose. Et avant ça, on va écouter celui qui nous a quitté en 2009, un 14 mars, Alain Bachung, avec La nuit je mens. Oh, ça ne va pas être très très gay, mais ça va être magnifique. J'adore cette chanson. Ce n'est pas la reprise de Claude François. J'adore cette chanson. Allez, on se retrouve après avec l'horoscope. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station Belière, tu t'es pas fait briller. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Presseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. We'll be right back. chemin, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Alain Bachung avec un petit featuring de Tristan à la fin. La nuit, je mens. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Le featuring bien. Était cité, signé Max, excusez-moi. Ouais. L'horoscope de 18h sur Fadjet. Allez, on baisse un peu l'orgue et on va parler maintenant de printemps. Car, est-ce que c'est une expression, baisser l'orgue ? Baisser l'orgue, oui, bien sûr. D'accord. Ça veut dire calmer ses ardeurs, tout simplement. Okay. Et c'est ce que je vous demanderai de faire dans ce moment solennel qui est celui où on fait rentrer notre horoscopiste qui a écrit cet horoscope printanier. Qu'est-ce qui va vous arriver durant la saison printanière ? Oui, visiblement, il y a des petits grincements. On vous remercie. Alors, Tristan, quel est ton signe astrologique ? Je vais te lire. Quel est ton horoscope printanier ? Il y a une question et une réponse dans ce que tu viens de dire, donc je ne sais pas s'il faut. J'ai que demandé quel est ton signe. Et okay. Après, tu as dit je vais te lire ton horoscope. Oui, une fois que tu m'aurais répondu, voilà, tu comprends un peu le principe. D'accord. Ou pas ? Donc je ne vais pas faire tous les 12 signes parce que les auditeurs n'ont pas le temps, tout simplement. Ils ont besoin d'entendre la suite, mais vas-y. Je suis né le 8 mars 74. Alors, il est né le 8 mars, mais c'était il n'y a pas longtemps ton anniversaire, toi. Ah, tu n'aimes pas quand c'est ton anniversaire. Non, j'aime pas. Oui, c'est vrai, il déteste ça. Et il est poisson. Il déteste le 8 mars, mesdames. C'était trop compliqué de dire je suis poisson, tu vois. Non, il voulait me piéger. C'est ça la question, d'accord. Oui, c'est ça. C'est dur. Je pensais que c'est la date de naissance, tu voulais, pardon. Je peux, oui, mais ça intéresse les gens. Non, alors oui, je suis poisson. Deuxième décan. Il est poisson. Alors, deuxième décan. Voici tes prévisions printanières, Tristan. Laissez-vous porter par le courant de la vie comme les poissons nageant librement. Vos intuitions sont particulièrement aiguisées. Écoutez-les. L'amour pourrait vous envelopper d'une douce brume mystérieuse. Tu sais que je déteste qu'on me dise mon horoscope. Et tu détestes sérieux, tout quoi ? Parce que j'ai passé des années et des années à être accro à ça. Ah ouais ? Mais vraiment ? Et j'en suis sorti. Je te jure. Ah ouais, bah excuse-moi, je savais pas, tu es horoscopophobe. C'était il y a 30 ans que chaque année, je scrutais les rayons du hall du livre pour avoir l'horoscope de l'année suivante. Elle s'appelle As, la dame, je crois. Et Christine As. Ouais, ah, c'est ça. Et chaque année, je l'achetais et je feuilletais tout. Et j'ai fait ça pendant presque 10 ans, quoi. Ah, d'accord. Wow. Ah, bah alors là, je suis désolé, j'ai réveillé quelque chose là. La part sombre qu'on vient d'apprendre. Je me disais, il va y arriver ça. Enfin, je vais sortir. Bon, t'imagines bien que c'est parce que ma vie était pas top, quoi. Et à un moment donné, quand même, je me suis dit, non. Je vais arrêter de regarder ça. De toute façon, Tristan. C'est moi qui vais décider de ma vie. C'est pas Catherine As. As. D'ailleurs, en anglais, Christine. Tu veux dire que... Moi, j'ai Christine. Et du coup, quand on me lit l'horoscope. Ah, d'accord, t'as des petits. Ah, bah oui, bah, je savais je pas. Je me dis, ah putain, il y a quand même un truc qui veut dire quelque chose dans ce qui a été dit. Ouais. Alors, tu vois, là, si ça peut te rassurer, c'est moi qui l'ai écrit. Eh ben, de toute façon, j'ai rien entendu de ce que t'as dit. Ah bon, bah voilà, t'as essayé de te mettre à côté. Est-ce que ça te dérange si on lit celui des autres, par contre ? Ah non, alors là, par contre, ça me fait plaisir. Ah d'accord. Là, okay. c'est... Attends, alors moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que, du coup, il y a des trucs qui sont avérés justes ? Parce que si tu lis en un an d'horoscope, il y a peut-être un jour, tu te dis... Non, il n'y a rien qui était vrai. Non, parce que tout est interprétable. Interprétable. Bah, non, mais en fait, rien n'est vrai et tout est vrai en même temps. Non, mais chacun... Enfin, moi, je parle pour moi, on va dire, voilà. Oui. Mais non, c'est juste que tu te rattaches à des éléments. Imagine, on te dit, tiens, dans 2 mois, tout va être au vert, etc. Ouais. etc. Tu dis, ah, enfin, ça va sortir. Ouais. Et puis, on ne sort pas. Ouais. Tu t'es rattaché à ça. Okay. Et après, on te dit, ah, mais dans 3 mois, il va y avoir un moment en vert. Et donc. Mais bah, d'accord, je comprends. Je lis plus du tout. D'accord. Donc, si vous êtes comme Tristan et que vous n'aimez pas qu'on vous lise votre horoscope, bien, je vous rassure, cet horoscope est complètement faux. Et si vous aimez les horoscopes, je vous rassure, cet horoscope est complètement vrai. Donc, c'était mon livre de chevet, voilà. D'accord, livre de chevet. Bon, écoute, certains ont des BD, d'autres ont la Bible, d'autres. Christine toi, tu avais Christine As, voilà. Et on la salue d'ailleurs. Oui, on pense à elle, Christine As. Elle est née un 14 mars, peut-être. C'est sûr. Jocelyn, à ton tour. Moi, je suis cancer. Tu es cancer. Est-ce que tu as. Maintenant, il va falloir que je demande à moi. Des pincettes maintenant qu'on pose la question. Est-ce que tu veux que je te donne ton horoscope printanier Oui, je le veux. Oui, je le veux. Tu le veux ? Oui, je le veux. C'est ton dernier mot ? C'est mon ultime dernier mot. Bafouille. Ultime bafouille. Oui. Alors, c'est le moment de sortir de votre coquille et de vous réchauffer au soleil. De nouvelles expériences. Les émotions fleuriront. Assurez-vous de les cultiver avec soin. Une récolte abondante d'amour et de bonheur vous attend. Oh. C'est quand même très positif, hein, mes horoscopes. Ouais. Je suis désolé, c'est pas. Vrai. Ouais. C'est t'as pas l'air surpris de ton propre horoscope. Et c'est très positif, en fait, ce que j'ai écrit. C'est toi qui les as écrits ? Non. Non. Ok, ça va, c'est bon, je demandais juste. D'autres questions ? Non, j'ai utilisé la technologie pour l'écrire, donc c'est les astres qui me l'ont dit directement. Ah, c'est une vieille technologie, par les astres, alors. J'entends l'intelligence artificielle. Ah oui, okay. Bah, ça c'est connecté directement. Astrificielle, ouais. Ouais, c'est directement connecté. Hein. Oui. Ouais, bah avec un... Bah, allez, au Max maintenant. Ouais, on termine avec Max, parce que visiblement cet horoscope est à nouveau un échec. Non, il était bien. C'est quoi ton... Alors, deviner son signe, c'est ça ? Non. Jeanne saura le faire, elle fait super bien. Ah bon ? Tu lui mets quelqu'un entre les pattes pendant une journée, elle sait quel signe c'est. Une journée, moi aussi j'ai le temps d'aller sur Facebook pour checker. Tu aussi. En fait, t'es né quand ? Non. Ça se voit que Max est une balance après. T'es balance ! Moi je suis une balance. La justice et l'amour, c'est... C'est tes deux pendants. Ouais. Alors, pour toi, harmonie et beauté vous entourent. C'est une période idéale pour retisser des liens et en tisser de nouveaux. Votre équilibre intérieur se reflétera dans vos relations, apportant paix et satisfaction, messieurs, et dames. P-A-I-X ? Au début, j'écoutais une rôtisserie, tu sais, j'ai dit que t'es en tisserie. Oh yeah, balance. Pour retisser, non, pas pour rôtisser. Ouais, c'est le poulet, là, qui... Voilà, exactement. On fera un horoscope de rôtisserie, un de ces quatre. Ça serait trop bien. Okay. Voilà, et je termine, comme d'habitude, avec le mien, parce que j'ai pas préparé tout ça pendant des heures et des heures pour ne pas me faire un petit plaisir quand même. Alors, les Capricornes, c'est le moment de construire pas seulement des projets, mais des relations durables. Les fondations posées au printemps porteront leurs fruits toute l'année. Ouvrez votre cœur au renouveau. Wow. Et ça, messieurs, dames, les Capricornes, c'est applicable pour tous les autres, hein, d'ailleurs. Je vais pas dire, mais là... Dans tous autres signes aussi. Il y a quatre signes qui ont été dits. Oui, il y a deux tiers de la population qui est... Très positif. Oui. Il y a sûrement au moins... Il doit y avoir un signe qui prend cher quand même. Bah en fait, là-dedans. J'ai pas l'impression. Hein. Je parcours comme ça les signes. Hein. Allez, on vous fait un Sagittaire au hasard. L'aventure appelle. Le printemps est votre rampe de lancement vers de nouveaux horizons. Ouais, que ce soit... Voilà. Qu'est-ce que je peux vous faire ? Faut préciser qu'il y en a qui est très nul. Quand tu crées ta prompte, tu dis « Et j'en veux quelques-uns horribles. » C'est vrai, il faudrait que je fasse ça. Ouais. La prochaine fois, je ferai un horoscope. L'horoscope qui démonte. C'est ça que je vais faire. Scorpion, vous allez être amputé d'un bras. Mauvaise nouvelle, vous allez mourir. C'est ça. Okay. Cancer. Tel signe, telle maladie. Voilà, donc pour cet horoscope, la prochaine fois, ça sera effectivement un peu plus sévère. Je vous préviens tout de suite, messieurs, dames. On va se retrouver avec Tristan, ça va être ton moment, ça va être le moment que tu nous... Ouais, je veux parler de la carte fidélité que l'on a en supermarché et qui est vraiment très importante pour lutter contre l'inflation. Voilà, donc restez absolument, on se retrouve après Teddy Swims avec Lose Control. Et ben voilà, ça va te perdre. Et voilà. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some. got me down on my knees, darling, please. Oh, when you're not next to me, I'm falling apart right in front of you. Can't you see? Teddy Swims avec Lose Control. La matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. 94 de Service Compris, les anecdotes de Rodolphe. Alors bon, voilà, évidemment une petite anecdote de Tristan. Voilà. Voilà. Oui, oui. Comment recycler sans surcoût des jingles. Voilà, exactement. C'est ce que je... c'est ça. Et ouais, non, moi je voulais vous parler des cartes de fidélité qu'on trouve en supermarché parce que j'ai cette habitude là d'aller dans un supermarché, donc je vais pas dire la marque, mais c'est pas loin de chez ton papa et okay. chez mon papa, hein, okay. c'est ça. Hein, ouais, c'est ça. Pas loin du Clos de Médreville. D'accord. Ça je peux le dire. Et eh ben, le lundi et le mercredi, c'est l'arrivée des fruits de mer, du rayon, parce qu'ils ont un rayon pêche. Et ça, c'est vachement bien. Tout à l'heure, j'ai acheté des amandes de mer. Donc, oui, si ça existe, des amandes de mer, que j'ai fait revenir. Enfin, c'est ah pas ouais, moi, quoi, avec quoi t'as fait revenir? Du vin blanc, de... du un peu céleri, d'ail quand même. Ouais, de l'ail, ouais. Mais alors, déjà, question, s'il y a des auditeurs, comment attendrir l'amande de mer? Parce que l'amande de mer, je sais pas si vous en avez déjà mangé, mais... Non, jamais. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Il y a un côté noix Saint-Jacques, un peu caoutchouteux, c'est un gros non coquillage comme ça. D'accord. Comme pas lourd. Et donc, il faut les attendrir avant, quoi. Ouais. Pas, c'est un peu comme... oui, d'accord. Ouais, mais je sais pas comment. Et quand tu tapes attendrir... amande de mer sur Google, il te répond... comme s'il ne voulait pas te dire l'info. Mais ça serait bien caché. C'est comme la coquille Saint-Jacques, un peu, en termes de texture, un peu caoutchouteux. Ah non, c'est beaucoup plus dur. Parce que tu sais que la coquille Saint-Jacques, si tu ne respectes pas la cuisson exactement, ça devient caoutchouteux, ça devient immangeable. D'accord. Attends, faut y aller. J'en ai raté. Faut y aller. Est-ce que vous avez des cocktails aux fruits de mer Un cocktail de fruits de mer. Non, vous n'avez pas ça. Bah, je sais qu'au Québec, il y a du jus de palourde qui est utilisé dans le Bloody Mary. Donc le jus de tomate, vodka, etc. Ils mettent du jus de palourde dedans. Bon. D'accord. Pourquoi pas. Alors revenons à ta cuisson. Oui. Non, donc, enfin voilà, c'était juste un petit aparté sur les amandes de mer. J'ai acheté des couteaux. Pareil, vous avez déjà mangé des couteaux? Ouais, j'ai mangé des couteaux. Ouais. Ou peut-être une fois, mais. Ah, c'est super bon ça. Enfin, je le conseille. Et donc, pourquoi je parle de ça? C'est que je vais dans ce magasin juste pour ce rayon pêche qui est vachement bien. Et à la fin, j'ai ma carte de fidélité. Et quand tu badges ta carte de fidélité, et ben t'as des papiers. Je vous montre parce que c'est regardez les chers auditeurs. Non, mais ouais. Ah, il sort actuellement son portefeuille. Ouais. Là, il sort un papier. Il en sort des papes là. Voilà, hein. Tu peux lire. Oui, d'accord. C'est les papiers qu'on reçoit à l'issue de la caisse avec des réductions et des choses comme ça que je jette systématiquement. Mais totalement. Et là, il a eu 10% à cagnoter pour un prochain achat de fruits et légumes. Waouh. 10%, c'est là où je veux en venir en fait dans toute cette histoire. C'est que 10%, c'est bien plus que l'inflation sur les deux dernières années. Wow. Donc imagine, on est donc sur fruits et légumes. Mais attends, il y a une limite d'achat à ton truc ? Alors oui, mais bien sûr. Mais alors déjà, tu peux aller dans d'autres magasins de cette enseigne. Hein. Heureusement, c'est d'accord. C'est pas limité à l'endroit où habite mon papa. Oui, mais t'as jusqu'au 18 mars, ça va. T'as encore, j'ai encore 4 jours, quoi. J'y suis allé ce matin. T'as encore 4 jours. Et tu peux lutter contre l'inflation grâce à ça, grâce à cette enseigne-là. Mais je dis avec cette enseigne-là, ça peut être avec n'importe quelle autre enseigne. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je décline systématiquement les cartes de fidélité, moi. À part celle du kebab, je n'en prends aucune. C'est vrai, parce que le kebab, tu vois quand c'est que tu l'auras gratuit le prochain. Bah ouais, je sais pas. Dans 3, j'aurai un kebab. Puis aussi, au kebab, c'est très simple, quoi. Il met un tampon et c'est parti. Alors que dans l'autre, faut s'inscrire, faut mettre son mail et tout. Moi, j'aime pas. Mais c'est sur ton téléphone. Je suis un peu mitigé quand même avec tous ces trucs parce que, tu sais, tu vois plein d'émissions où des gens collectent ce genre de tickets, de bons, et puis qu'après, ils disent, ouais, bah j'ai eu pas mal de réductions et tout, mais sur le long terme, les gens ont l'impression de faire des économies parce qu'ils accumulent ce genre de bons, mais sur le long terme, quand tu regardes la carte de fidélité, ce que ça t'apporte, il faut quand même que tu ailles dans cette enseigne-là. Dans 3 jours. T'es limité niveau temps. Ouais. Donc, je sais pas si, au fond, tout ce que ça t'impacte, enfin, tout ce que ça impacte et que ça englobe, est-ce que tu gagnes vraiment? Bah, en termes de communication, c'est top, hein, la carte de fidélité. Ça, c'est sûr. Ça t'oblige à revenir. Mais tu vois, moi, je fais mes courses que dans une autre enseigne et je gagne un peu, genre, je sais pas, entre 60 centimes et 1 euro. Chaque fois que je fais des courses de genre 100 euros. Ouais. Ah oui. Bah, pas ouf. Hein. Bah non, c'est pas dingue. Ouf. Voire même nul. C'est pas ouf. Ah, Tristan, est-ce que je peux répondre à oui, ça? Oui, allez-y, vas-y, okay. Tristan. Si c'est cordial, oui. Est-ce que tu as déjà entendu parler du cashback? Ouais. C'est pas 1 euro, c'est beaucoup plus. Enfin, oui. Je veux dire, c'est énorme. Moi, je suis client dans une banque à distance et tu as cashback dans n'importe quel. Enfin, énormément d'enseignes. Mmh. Et là, dans tous les supermarchés que tu veux, tu as 4 ou 5%. Bah, dès que tu payes là-bas, dès que tu payes, t'es remboursé ou faut faire la démarche de envoyer son. J'achète un bon cadeau voilà. Que j'utilise. T'as oublié d'acheter un bon cadeau avant. Voilà. Il est dématérialisé, mon cadeau ou pas? Oui. Ok, ça cool. Tu screens. Ok, ça pourrait commencer à m'intéresser. Là déjà, c'est un peu. Et en plus, je te l'ai envoyé à Cécile, je lui ai dit, parce que vous avez acheté vos croquettes chez 1-1. Ouais. Et je lui ai dit, les croquettes de chez 1-1. Mais ça se régale. Bah, il y a quand même 30%. Non, c'est vrai. Mais là, en plus, on a passé chez un autre. Bon, écoutez, je pense que. D'accord. Voilà. C'était ce que je voulais dire. Voilà, le débat est ouvert. Êtes-vous pro ou anti carte de fidélité? Ouais. Voilà, en tout cas, Tristan nous a donné son avis. À vous de vous faire le vôtre dans votre enseigne la plus proche, favorite. Voilà. Je donne le nom des enseignes en MP. Voilà. Tous les conseils, astuces. Si vous voulez les bons plans, ça se passe Sur Facebook. Donne voir ton Instagram. Non, page Facebook. Page Facebook, ok, de l'émission. La matinale, ah, d'accord, tu le prends pas juste pour toi, pour la matière. C'est bien ça. Il joue l'équipe. Eh bien, écoutez, maintenant, il va être temps de nous faire un petit quiz actu insolite parce que les gens le réclament. J'adore. Donc, on va revenir avec ça après une petite écoute de Oshi. Face à la mer. Okay. Non, pas du tout face à la mer, mais femme à la mer. J'ai confondu. La mer. Voilà, c'est ça. Allez, on se retrouve après. Oshi, femme à la mer. Fume le cigare comme une cubaine. Le sandar rempli de mes peines. Paumé dans les bouchons de Liège, goutte après goutte, je m'abrège. Encore une fois, c'est ma tournée. Pas la dernière de la journée. Je suis le reflet du n'importe quoi. Même le miroir se moque de moi. J'ai passé ma nuit au comptoir. Tout ça dans l'espoir de te voir. Je t'attends encore. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait un peu plus fort. Tango de désespoir, belle mise à mort. ce soir mon cœur battrait peut-être encore. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Seul avec soi, avec soi, avec soi, même si on n'en a pas l'air. Deux âmes seules feront peut-être deux. Pourront renaître, deux âmes seules valent mieux qu'une. Je plonge dans tes yeux sans rancune. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Oshi avec Femme à la mer. La matinale de 18h. Parce que la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais, oui. Stan, tu avais une remarque. Non, ouais, la manière dont t'as dit Oshi avec Femme à la mer. Ça fait un peu le stagiaire débutant. Moi, tu sais, le mec très stressé qui se dit je vais le dire très bien. J'ai articulé. Mais ça se voit que tu as raté mes émissions précédentes parce que c'était exactement ça. Allez, on va commencer notre petit jeu quiz insolite. Et vous savez qu'on aime voyager un peu partout dans le monde pour ce genre de quiz. Ah oui. Et on va commencer à aller très très loin puisqu'on va à Saint-Etienne. Ah oui, allons ensemble à Saint-Etienne. Quelle mésaventure est arrivée à ce pilier de comptoir stéphanois le mois dernier? Est-ce qu'il est vivant encore? Il est vivant, oui. D'accord. C'est une mésaventure heureuse. Oui, il n'y a pas mort d'homme loin de là. C'est physique? Non. Pilier de comptoir, est-ce qu'il y a un rapport avec les jeux d'argent? Exactement, est-ce oui. Est-ce qu'il était trop bourré et il a perdu un ticket gagnant? Ah, je vais te dire oui parce que c'est quasiment ça. Ah, ouais. Donc là, je très très bien joué. Il a en fait, il a joué au loto. Il a gagné 1 million d'euros au loto, oh, mais il a oublié son ticket de comptoir sur le bar. Oh, oh. Non. Son ticket vainqueur sur le bar. Okay. Oh. Mais alors, rassurez-vous, mesdames, messieurs les auditeurs, il a réussi finalement à retrouver son ticket puisque la gérante du PMU, enfin du bar. L'a gardé dans un petit coffre ce waouh, la pression qu'elle a dû avoir. Ouais, wow. En fait, il s'est rendu compte qu'il avait gagné, il a crié devant tout le monde: "Ouais, j'ai gagné." Il est rentré chez lui, il a oublié le ticket. Et, ah, d'accord. Voilà. Et donc la le stress, le mec. Mais oui, et wow. Finalement, il se fait caca culotte. Hein. Tout va bien, tout va bien. Plus que caca culotte. Ah, ouais. Moi je Est-ce que vous avez déjà vous jouez? Vous êtes des joueurs de à l'occasion, ouais. Oui. J'ai eu ma période quand j'étais jeune. Si Christine Haas le disait, t'y allais toi. J'ai essayé tous les trucs pour essayer de gagner de l'argent. J'ai une chance folle, c'est que j'ai toujours perdu. Et donc je me suis dit, tiens, pour gagner, il faut travailler. Il faut faire autre chose, tiens. Ouais. Et donc j'ai travaillé. D'accord. Et du coup, c'est toi qui as financé ce genre de personnes, quoi, finalement. Quoi? Tu as financé les vainqueurs par tes apports successifs. Ouais, clairement, de tickets perdants. Que ça soit de la bourse, que ce soit les chaînes d'argent, que ça soit. Les chaînes de mail et tout. Ouais, je donne de l'argent à tout le monde. Et toi, Max, tu joues aussi un petit peu? Moi, je joue un peu. Et contrairement à mes deux autres compères, je suis très chanceux. Comment tu sais que je perds? Je sais pas, je pensais que je perds. On a deux vainqueurs du loto ici dans le studio. Big loser ici. En fait, à l'euro million, les trucs comme ça, moi je joue à ça, mais je gagne pas forcément. par contre. Mais il est chanceux. Mais attends, parce que tout ce qui est chance. Tout ce qui est en rapport avec gagner quelque chose ou avoir de la chance dans un truc, enfin, ouais. J'ai vraiment énormément de chance. Toi, tu fais le loto du club de foot de la Neuville, toi. Ouais. Ça, il joue au bingo, alors, il joue au bingo à la défaite. Mais tu sais, ça, je peux lui donner un exemple marrant. Je suis parti au Japon il y a pas très longtemps. Il y a les gachapon. il y a les gachapon, donc c'est les machines où tu mets une pièce et tu peux avoir un objet dedans. Tu peux, c'est-à-dire que tu peux ne pas en avoir. C'est pas une pizza, les gachapon. Si, mais ouais. En gros, moi, je vais te dire, je veux cette collection, donc je vais mettre une pièce pour avoir la collection d'objets là. Ah et oui, parmi et tu peux cette avoir, collection, tu as des trucs. Et sur 12 objets, par exemple, tu peux. Moi, j'en voulais un, par exemple. À chaque fois que j'ai joué et que je voulais un objet, j'ai obtenu l'objet parmi tous ceux que je pouvais avoir. Waouh. Voilà. Mais c'était marrant, c'était un running gag avec mes potes de genre, non, mais c'est pas possible, il va pas avoir celui qu'il veut du premier coup. C'est toujours été le cas. Wow. J'ai une anecdote là-dessus qui est vraie. C'est-à-dire qu'il mentait ? Non. Ah non, pas sur toi. Je sais plus si c'est 4 ou 6 galettes d'affilée où j'ai eu la fève. Ah oui, ça oui, d'accord. Tu disais que t'avais pas de chance jeu, mais enfin bon, quand on a ça. Vous avez c'est cul bordé de nouilles, hein, les gars. J'ai cash et 28 ans, je crois que j'ai toujours eu la fève chaque année. Depuis 28 ans. Et les gars. Tu sais que si tu la manges tout seul, c'est normal. T'es toujours très fin à la fête des rois. Incroyable. Et toi, Jocelyn, j'imagine qu'à côté de ces deux chanceux... Moi, je joue à l'Euro Million, voilà. Des fois, je me fais rembourser mon ticket, des fois, mais rarement. Alors, oui, Tristan. Alors maintenant, moi, pour moi, les jeux, ça veut dire que si tu joues aux jeux, ça veut dire que tu crois plus en toi pour être riche. Bah, c'est si tu joues à des jeux d'argent ou si tu joues à des jeux. Non, mais d'argent. Tu peux juste avoir un facteur de genre, je travaille, puis je me mets, je sais pas, 10 euros par mois pour dire, allez, on tente la chance. Gaulerie. Tu tentes pas ta chance, tu rêves. Bah t'as le droit, tu rêves, mais c'est bien très bien. T'as le droit d'être diverti par un jeu aussi. Ouais, bien sûr. Non, il y en a qui en font leur métier, les jeux cocher d'argent. Cocher des cases, c'est pas très divertissant. T'as un pourcentage bien plus élevé d'être riche par toi-même que par. Ah bah, bien sûr, bah, c'est sûr. Bien sûr, mais en fait, ce que je crois que les gens recherchent dans le loto et ces choses-là, c'est le sentiment de possibilité au moment du tirage, quoi. Et pourquoi pas, c'est du rêve. On achète du rêve. Ouais, mais c'est, enfin, finalement, c'est du rêve qui est pas trop. Comme la fête. Ça dépend des finances des uns et des autres. Ouais. C'est comme attention, évidemment, messieurs, dames, auditeurs. Moi, je pense qu'il faut se mettre un budget, tu vois. Voilà. Pour pas que ton rêve... Ouais. Faites bien attention au jeu d'argent, effectivement. Voilà, jouer avec des billes ou des bonbons, mais pas d'argent, s'il vous plaît. Exactement. Pareil, des coquillages. Des lentilles. Des amandes de mer. Des amandes de mer, des couteaux, des lentilles, s'il faut. On va maintenant... On va clore ce débat, si vous voulez bien. Et on va maintenant partir aux États-Unis avec cette musique. Ah oui, c'est vrai qu'on fait un quiz actu, là. Mais César... Ah, John Cena. J'aimerais juste entendre le moment où il y a un beat. Ah, c'est The Door. You can see me. Alors, vous l'avez reconnu, effectivement, c'est la musique de John Cena. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai mis cette musique dans notre petit quiz? Oui. Oui. Oui, John Cena est en tournée actuellement dans l'Alabama. Ok. Et il fait tous les casinos de l'Alabama. Alors, non, il a fait la cérémonie des Oscars. Car, oui. À poil. Exactement. Ah ouais. Exactement. Oui, il est venu nu en disant salut, je suis John Cena. Ça, il n'y a que toi pour connaître des informations. Et James, on est deux. Et je suis tellement fier de ne pas connaître cette info. Tu sais qu'il est en tournée dans l'Alabama. Il y a deux types d'infos. Il connaît les infos de John Cena nu et les. Non, parce les qu'il a tourné, il a tourné deux avec les bons sur Internet cette photo où il vend le micro à poil avec une pancarte. Ça a fait un buzz. John Cena est apparu nu lors de la cérémonie des Oscars, puisqu'il faisait un espèce de mini-sketch qui était une référence à une personne qui était apparue nue en 1974 lors de la cérémonie des Oscars. Mais je naissais un mois plus tard. Bah oui, voilà, le 8 mars. Effectivement, bravo à toi. Est-ce que vous êtes déjà apparu nue lors de cérémonie vous-même ma naissance. Ah oui, et quelle cérémonie, on s'en rappelle. Cérémonie. Non mais toi, par contre, Tristan, t'as fait une remise de prix il y a pas longtemps, si je ne m'abuse. Quoi ? Une cérémonie de remise de prix récemment. Habillé. Hein ? Dans ta carrière, dans ta réelle carrière d'acteur, t'as pas eu un prix là où t'étais nominé ? Ah oui. Ah, enfin récemment. Oui, c'était en décembre j'étais nommé meilleure interprétation masculine, mais je l'ai pas eu. Mais c'est normal. Il y a un mec qui. C'était pour le festival de court métrage de TF1. Voilà. Et il était nommé. J'ai eu la chance déjà de participer à une très belle aventure. Merci Camille qui est la réalisatrice et on était dans les 20 finalistes et ça s'appelle La recette du bonheur. Ce court métrage là que vous pouvez trouver sur TF1 d'ailleurs sur le très site de très TF1. Bon court métrage d'ailleurs. Et Et j'ai été nommé meilleur comédien. C'était assez rigolo parce que je reçois un message Instagram. Et moi, Instagram, en mode daron, je maîtrise pas, tu vois. Donc, tant mieux, c'est bien, ça parle du court-métrage. Et Camille qui me dit « Non, mais si t'as reçu ça, c'est parce que t'es nommé. » Et je dis quoi ? Mais non, mais attends, mais c'est pas possible en fait, c'est quoi ? Et en fait, si, j'étais nommé. Mais et non, c'était une belle soirée, c'était assez sympa. Donc, c'était une cérémonie vraiment avec un pupitre et des gens qui viennent remercier et compagnie ? Oui, voilà. Il y avait tout. C'était un amphithéâtre dans les locaux de TF1. Et franchement, c'était très agréable. Voilà. D'accord. Et là, tu en parles, bah, actuellement, c'est le Nikon Festival là, qui est sorti. Chacun se partage son Nikon qu'il a fait, etc. Ça va être bientôt d'ailleurs. T'en as fait un aussi ? J'en ai fait un, mais je n'étais pas super content du résultat. Voilà. Même si c'était très bien filmé, et je remercie Axel, le réalisateur, qui était, lui, très bien. Voilà. Félicitations. Et vous les autres, pas de cérémonie de remise de prix ? Pas d'apparition ? Meilleur barman peut-être de France ? Non. Arrête ! J'ai fait un court-métrage barman avec toi. Quand ? Oh, mais il y a 6 ans, ouais. Bah ouais. On était tous les deux dans un court-métrage et on était barman. Ouais. J'étais pas encore réellement avec barman, on essuyait des verres derrière un bar, je me rappelle. C'était marrant. Et j'ai pas été nominé ni rappelé d'ailleurs, mais. Ça viendra, tout vient à point. Je me suis dit, mon lancement de carrière n'a pas été rappelé. Bah écoute, s'il y a des gens qui ont une cérémonie et qui ont envie de donner un prix à Jocelyn, ouais, en tout sache cas, voilà. Que dans tous les cas, tu auras toujours le prix de mon cœur, Jocelyn. Oh, là, j'ai eu peur. C'est beau. Allez, on part maintenant en Belgique. On va aller en Belgique. Est-ce que vous connaissez Pascal Laroche ? Vous connaissez ou pas ? Non. Est-ce que c'est la cousine de Michel Laroche ? Non. D'accord. Ça n'est rien Pascal à voir Laroche, avec... c'est la présentatrice de la RTBF1 sur l'émission Le Grand Cactus, où elle imite José Touré, ancien joueur de foot de Nantes. D'accord. Waouh, c'est incroyable. C'est très précis. Et en même temps, je ne sais pas trop comment réagir. Bah, alors, Pascal Laroche, on n'est pas loin finalement. C'est un animateur belge, de télé belge. D'accord. Mm-hmm. Ouais. Pourquoi est-ce que Pascal Laroche, selon vous, a-t-il été mis à pied par sa chaîne récemment ? Il a fait une blague misogyne. Non. Dommage. Attends, lui, il présente pas le truc où il y a des gens qui sont derrière un rideau ? Non, non, c'est pas ça. J'ai fait un petit flash et c'est lui qui est apparu derrière. Et il a commenté sur ce flash et c'était assez malvenu. Non, il a fait quelque chose de malvenu. Je vais vous donner un indice. Il est bourré. Je vais vous donner un indice. C'était à l'occasion de la journée mondiale sans Facebook. Il a fait une petite intervention. Il a dit bah moi, il y a plus personne sur Facebook sauf lui. Donc il a parlé de Facebook forcément. Pas vraiment, mais je sais pas de quoi il a parlé, mais en tout cas, c'est pas tant ce dont il a parlé qui était problématique. C'est ce qu'il a fait ? Il était sur son téléphone pendant l'émission ? Non. Il a publié sur Facebook pendant l'émission ? Non. Il est animateur ou il est journaliste ? Non, il est présentateur. Hein. C'est présentateur un présentateur de JT ou de JT, ou des choses comme ça. Voilà. Enfin, d'accord. Je sais pas, en fait. Pour être honnête, c'est peut-être un magazine ou un truc comme ça. C'est quelqu'un qui présente face caméra une émission. Ah, il a fait un truc un peu de boomer en parlant, non ? Non. Ce serait pas un truc privé ? Non, alors il a poké quelqu'un. Bon, c'est l'émission. Enfin, je vais vous donner un indice vraiment plus énorme. C'est que c'est pas tant sur ce qu'il a dit ou fait. C'est surtout sur un aspect visuel. Il a tiré la langue. Il a fait un doigt d'honneur. Non. Il s'est fait tatouer Facebook sur le pec droit. Non. C'est un rapport avec Facebook quand même. Pas vraiment. Bah, après, tu me l'as dit. Ah d'accord. Bah alors pourquoi tu nous parles de Facebook ? Ah, parce que c'est concurrent à Facebook. Non, c'est en fait. Bon, je vais vous dire. Enfin, je vais pas vous donner la réponse, mais en fait, il avait un déguisement. Il avait un déguisement. De Mark Zuckerberg. De Donald Trump. Non. José Touré. Un déguisement. Elon Musk. Alors, il était. D'Emmanuel Macron. Je vais même aller encore un peu plus loin. Il était déguisé en emoji. Mais est-ce que vous pouvez trouver. Quel emoji. Non. Elsa, quel emoji il était déguisé ? Elsa Zilberstein. Peut-être un emoji. Un emoji d'une personne de couleur de peau. Non. Quelle horreur. Non. C'est pas ça. En infirmière ? Non. Dommage. Hitler. Mais il n'y a pas d'émoji. Pas dans notre téléphone en tout cas. Je sais pas, t'es vraiment loin en Instagram et Facebook quand même. En gun. Non, alors je vais vous le dire, vous n'avez vraiment pas trouvé. Il était déguisé en emoji caca à l'occasion de la journée mondiale sur Facebook et sa chaîne a décidé de le mettre à pied parce que ça n'a pas plu du tout. D'ailleurs, c'est marrant que ça fasse ça chez les Belges. C'est des Belges en plus. C'est marrant. Le déguisement n'était pas dingue. Pays de la vanne. Très développé. Ouais, mais c'était pas fou du tout hein, le déguisement. Et visiblement, c'est aussi il avait un certain passif de dérapage au préalable. Avec le caca. Nous, non, enfin, je veux dire que nous, on l'accueille mais à bras ouverts sur la matinale de 18h. Ah ouais, mais il n'y aura pas de salaire. Déguisement d'emoji poupe, je trouve ça drôle. Pour la journée. Ça te fait rigoler ? Pour, je trouve que c'est un peu un contre-pied. Vas-y, rigole un peu du coup. Voilà, tu vois. Mais pourquoi vous voulez pas Hitler en Comment il s'appelle emoji? Le mec là ben je, moi je n'ai pas de mon mot à dire sur les emojis que Facebook décide, hein, donc ouais. Si tu veux écrire à Mark Zuckerberg sur Instagram, en général il lit ses DM, ouais. Donc tu peux. Ouais, avec un propose, pareil, hein. Il va pas aimer. C'est ok, en vrai. Ouais, ouais, bah moi je trouve ça pas dingue. Ouais, je l'ai vu. Parce que bah, en vrai c'est pas dingue, mais qu'est-ce qu'on s'en moque. Bah ouais. Écoute, ce n'est pas moi qui juge. En tout cas, on parle de lui. Je relève. Ouais, voilà. Et on invite Matinale 18h. Alors, on va rester dans le bon goût avec une truie. Et oui, il y a une truie de renommée internationale qui est morte récemment. Et on vient de l'imiter à l'antenne. Qu'est-ce qui faisait la célébrité de cette truie qui nous a quittés récemment? Ça compté. Sa coupe de cheveux, et elle ressemblait beaucoup à Donald Trump. Non, elle est tellement vraie. C'était la plus grosse truie du monde. Non. Non, elle avait un talent, hein. Elle avait quelque chose. Elle faisait de l'accordéon. D'accord, tu disais compter, mais il n'y a pas un délire comme ça. Bah, c'est intelligent, un cochon, ouais. C'est intelligent. Ouais, mais non, c'était pas compté. Elle s'est jonglée. Non. Elle mangeait du compté. Non plus. Elle faisait un peu comme le poulpe au truc de foot, elle faisait des pronostics. Elle faisait pas de pronostics. Elle est turfiste. En plus, j'ai appris qu'il y a l'euro bientôt, là. Et les JO aussi. Est-ce que c'est par rapport à son physique? De truie? Elle l'utilise, mais c'est pas un truc. Si tu la vois, tu peux pas le deviner. Elle savait se tenir sur les deux pattes arrière. Non. Elle avait 9 mamelons. Non. Dommage. Elle savait faire un truc. C'est ça? Oui, elle savait faire un truc ouais. Que. Chanter. Pour être honnête. Répéter un son. Froncer les sourcils. Et toi, t'arrives à le faire ce truc-là ou pas? Imite la truie. J'ai vu ce qu'elle a produit. Ben, un tout petit peu mieux qu'elle, mais pas de beaucoup. Un caca? Non. Pipi? Non. Ah, des grimaces. Des grimaces. Elle dribble. Ah ouais. Bon, je vais vous donner son nom et ça va venir tout de suite. Elle s'appelait Picasso. Elle peint. Eh oui, elle peint. Oh. Elle peint en tenant le pinceau dans sa gueule et signant avec son groin trempé dans du jus de betterave. Et elle a fait plus de 400 œuvres, dont certains se sont vendus à près de 30 000 euros. Ah ouais, il y a un business. Je les ai vus, c'est de l'ordre, tu sais, des tableaux que font les enfants quand ils sont en maternelle ou quoi. Donc c'est immonde. C'est très beau. C'est magnifique. C'est abstrait. C'est vraiment superbe. Et je vous invite à regarder, vous tapez Picasso sur internet pour voir. Ouais, d'accord. Il y a un singe qui peint comme ça aussi. Mais en tout cas, là, voilà, c'est Picasso et on la salue, sa mémoire. C'est vrai, on pense à ça. Voilà, on va maintenant. 700 kg elle faisait. Ouais, mais c'est normal pour une. Ah, ok, c'est normal. Okay. Beau bébé. Pourquoi elle est morte? Elle est morte, c'est la question. Ah, ok. D'accord. Voilà, on va maintenant clôturer cette émission. Oh, déjà? T'assures tellement bien, ça passe tellement vite quand c'est toi qui anime. Matinale de 18h, l'émission qui est bien. Eh ouais, ça passe vite, hein. Donc on parle de notre spectacle. Vas-y Tristan. On a un spectacle, c'est après-demain, c'est samedi soir et c'est au Foyer Rural. Donc c'est un spectacle d'impro, hein, où il y aura James et moi. Mmh. Et puis d'autres personnes, Cécile, Mathilde et puis Louis. Et c'est au Foyer Rural de Bouxières aux Dames. Donc venez nombreux pour voilà. Et c'est à quelle heure, rappelle-moi? C'est à 20h30. C'est à 20h30. Vous pouvez venir sans avoir réservé, mais vous pouvez aussi réserver. Voilà. Ok. Voilà. Je précise aussi qu'il y a en parallèle les concurrents d'Improdisiac qui se produisent à la MJC Pichon à 20h30. Mais là, on est sur de l'industriel. Hein. Voilà, il n'y a pas le cachet terroir que nous avons, nous, dans notre pratique de l'impro. Voilà, donc n'hésitez pas à venir à Bouxières aux Dames. Moi, petite pub, peut-être petite également. Pub, ouais, vas-y. Tous les vendredis soirs, maintenant au Cristal, on a un DJ, donc venez nombreux. Ah ouais. Ouais, c'est cool. Là, c'est sur le troisième épisode de ce vendredi, donc on attend du monde, on espère. C'est quoi son nom? Là, ce soir, enfin demain, c'est Seto. Ah, c'est pas le même DJ à chaque fois, en fait. Non, bah, c'est le même groupe, mais là c'est un gros DJ qui fait le Snooze, qui fait le McCarthy, qui fait chez nous maintenant. Il y a une belle petite communauté, donc on attend beaucoup de monde grâce à Seto Corzetti. Cool. Waouh. Génial. Et toi, Max? Pas de news. Voilà. D'accord, pas de promotion. C'est cool, pas de promo. Incroyable, ça. Bah, allez me suivre sur mon compte Instagram. Je propose de nouvelles séries en ce moment. Voilà. Alors, c'est quoi la photo? C'est de la photo. Max _AGK. Voilà, tirer du bar. AGK. Et n'hésitez pas à lui dire que vous venez de la part de la matinale de 18h. En commentaire, bien sûr. Voilà, vous lui dites. Vous m'écrivez Fadjet avec un petit poste de radio. Et... Ok. Voilà. Ça se connaît, j'ai l'impression, de la passe. Ok. Voilà, quant à nous, on va se retrouver dans deux semaines. Après, la semaine prochaine, c'est de la voisinade. Hein. C'est du Guélon, c'est du Camille, vous connaissez. Allez, c'est du kiff. Et on se retrouve dans deux semaines avec peut-être à nouveau Tristan aux commandes. Je pense que t'as purgé ta peine et peut-être que tu retrouveras. Non, mais je suis bien là, moi aussi. Il est bien ici. Eh bien, écoutez. Si toi t'es bien là, moi je suis bien là. Bon, pas trop. C'est pas... Ah, t'es bien ici. C'est beaucoup, beaucoup de stress pour ça moi. Ça sent le Shifumi. Voilà. Allez, on se retrouve dans deux semaines. Ciao à tous. Ciao. Bonne journée.